C'était la chronique annoncée du moment catastrophique où Dieu désertait sa création. L'écart qui nous séparait de lui était transposé en Dieu même. Il nous était difficile d'accepter qu'il n'y avait plus de grand autre susceptible de croire pour nous. Ce qui était promis à la mort, c'était donc le Dieu de l'au-delà et nous, ses créatures, devions disparaître par conséquent. Ce qui demeurait encore présent en nous, c'est le Saint-Esprit. Je me mis à genoux et je récitai la prière de Saint François sur la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie.